Curias. Que désormais le ciel, les enfers et la terre unissent leur fureur à nous faire la guerre. Que les hommes, les dieux, les démons et le sort préparent contre nous un général effort. Je mets à faire pis, en l'état où nous sommes, le sort et les démons et les dieux et les hommes. Ce qu'ils ont de cruel et d'horrible et d'affreux, les bien moins que l'honneur qu'on nous fait à tous deux. Horace. Le sort qui de l'honneur nous ouvre la barrière offre à notre constance une illustre matière. Il épuise sa force à former un malheur pour mieux se mesurer avec notre valeur. Et comme il voit en nous des âmes peu communes, hors de l'ordre commun, il nous fait des fortunes. Combattre un ennemi pour le salut de tous et contre un inconnu s'exposer seul au coup d'une simple vertu, c'est l'effet ordinaire. Mille déjà l'ont fait, mille pourraient le faire. Mourir pour le pays est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. Mais vouloir au public immoler ce qu'on aime, s'attacher au combat contre notre soi-même, attaquer un parti qui prend pour défenseur le frère d'une femme et l'amant d'une sœur, et rompant tous ses nœuds, s'armer pour la patrie contre un sang qu'on voudrait racheter de sa vie, une telle vertu n'appartenait qu'à nous. L'éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux, et peu d'hommes, au cœur, l'ont assez imprimé pour oser aspirer à tant de renommée.